Le tapis est posé sur une table en palette. Raider qui bluffe pendant que ça claque à la calache. Un noob mise son pantalon, l'autre son AK. Mais dehors ça pète, on rigole même pas. J'ai un brelan de clous rouillé. Toi t'as rien sauf un gilet. Les cartes volent, les murs s'écroulent. Mais je fais all in même si ça brûle. C'est tout loin des fous. Ambiance casino. Stuff.